Toujours à l'occasion de la journée de la brillante étoile, le président directeur général de la maison d'édition Mittarmo de Myanmar et le président du groupe des athées du matérialisme dialectique de l'Italie, président du comité italien d'études de l'idée de Sengun pour l'indépendance et la souveraineté, ont publié chacun une communication à l'éloge des exploits du général Kim Jong-il.